50 languages. 59. 59. 59. في مكتب البريد. À la poste. À la poste. أين هو أقرب مكتب بريد؟ Où est le bureau de poste le plus proche? Où est le bureau de poste le plus proche? هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? أين هو أقرب صندوق بريد؟ Où est la boîte aux lettres la plus proche? Où est la boîte aux lettres la plus proche? أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. J'ai besoin de quelques timbres. J'ai besoin de quelques timbres. Les بطاقة ورسالة. Pour une carte postale et une lettre. Pour une carte postale et une lettre. كم رسم البريد إلى أمريكا؟ À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? كم يزن الطرد؟ Combien pèse ce paquet? Combien pèse ce paquet? أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Est-ce que je peux l'envoyer par avion? Est-ce que je peux l'envoyer par avion? وكم يستغرق حتى يصل؟ Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Où puis-je téléphoner? Où puis-je téléphoner? أين هو أقرب كشك للهاتف؟ Où est la cabine téléphonique la plus proche? Où est la cabine téléphonique la plus proche? هل لديك بطاقة هاتف؟ Avez-vous des télécartes? Avez-vous des télécartes? هل لديك دليل الهاتف؟ Avez-vous un annuaire téléphonique? Avez-vous un annuaire téléphonique? هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? لحظة، سأبحث عنه. Un instant, je vais voir. Un instant, je vais voir. الخط مشغول باستمرار. La ligne est toujours occupée. La ligne est toujours occupée. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ Quel numéro avez-vous composé? Quel numéro avez-vous composé? عليك أن تتصل أولاً بالرقم صفر. Vous devez d'abord composer le zéro. Vous devez d'abord composer le zéro.